L'individu qui est centrique, il agit par rapport à lui-même de nature vibratoire, tandis que la personne qui est égocentrique, c'est un ego qui s'utilise comme point de référence, mais qui est coupé de l'esprit. Donc, quelqu'un qui est centrique n'est pas orgueilleux, tandis que quelqu'un qui est égocentrique est extrêmement orgueilleux. C'est ça la distinction entre les deux fondamentalement. Donc, quelqu'un qui est centrique, c'est quelqu'un qui est en relation avec une intelligence de nature impersonnelle, c'est-à-dire une intelligence qui est au-delà du plan physique, qui est au-delà aussi du plan astral, puis des entités qui se rattachent, tandis que quelqu'un qui est orgueilleux, au contraire, est en contact avec des intelligences qui lient psychiquement au plan astral, qui vont favoriser l'exacerbation de son sentiment du « je ». La centricité ne doit pas être confondue avec de l'entêtement. La distinction entre les deux est subtile, c'est-à-dire que de la centricité, c'est quelqu'un qui va maintenir le cap, tel un capitaine sur une direction, en dépit de l'adversité au niveau de la forme des gens de son environnement. Par contre, de l'entêtement, c'est quelqu'un qui maintient le cap sur quelque chose, mais sans que ça soit supporté vibratoirement par l'énergie de l'esprit. Donc, c'est un mouvement d'ego, d'orgueil, qui l'affilie psychiquement au plan astral. Tandis que dans la centricité, c'est pas en relation avec la forme, c'est pas une attitude psychologique. Donc, quelqu'un qui est centrique avec l'esprit, puis sait quelque chose au niveau vibratoire, il sait, par exemple, qu'il existe plusieurs dimensions. C'est pas en fonction d'une croyance à ce concept-là au niveau de la forme. C'est en relation avec une certitude de nature énergétique qui s'inscrit en lui. Ce qui est pas pareil. Quelqu'un qui vit de l'entêtement, c'est dans un mouvement d'ego orgueilleux. Et quelqu'un qui vit de la centricité, c'est dans un mouvement d'ego transparent. Dans l'entêtement, il peut, en fait, je dis il peut, mais il y a automatiquement une résistance au réel. Parce que dans l'entêtement, c'est un mouvement de l'ego orgueilleux qui, au niveau de la forme, un peu comme un enfant, va dire « Non, je veux tel jouet. » Puis là, la mère va dire « Ben non, t'as pas besoin de ça pour être heureux. » Puis là, l'ego va dire « Non, je veux avoir tel personnage en jouet, en plastique au magasin. » Dans l'entêtement, il y a un acharnement de l'ego, une fermeture dans son mouvement. Puis dans l'entêtement, c'est pas supporté vibratoirement, c'est pas en contact avec la réalité. Puis l'entêtement, lorsqu'il est retardataire, c'est que l'entêtement de l'ego va à l'encontre de l'intelligence, de l'esprit qui s'y rattache. Dans l'entêtement, il y a un acharnement de l'ego qui n'agit pas en fonction de qu'est-ce qu'il peut capter vibratoirement pour s'y harmoniser et ainsi consolider le processus de la fusion, passant par une intégration énergétique s'actualisant à travers des actions dans sa vie de tous les jours. Si un ego, par exemple, dit non à son esprit qui lui envoie la pensée qu'il doit faire le ménage de son logement, ça peut être des choses aussi banales que ça. L'esprit n'envoie pas juste des informations sur la nature du cosmos et des êtres qui peuplent l'univers. Non, l'esprit, ça peut être extrêmement terre-à-terre dans les éléments d'information qu'il achemine à l'ego. Autrement dit, l'esprit peut dire à l'ego qu'il a à faire le ménage de sa chambre, et si l'ego, par entêtement, résiste à ça, ben, la poussière s'accumule. À un moment donné, c'est le désordre. À un moment donné, il y a des insectes, parce que là, s'il y a de la nourriture par terre, ben, ça peut attirer des insectes, et ainsi de suite. Donc, il y aura une dégradation énergétique qui va entourer l'endroit parce que la personne ne gît pas en fonction de l'esprit. Et souvent, l'un des obstacles qui va à l'encontre de ça, ben c'est l'orgueil de l'individu qui va chercher à vouloir contrôler le mouvement alors qu'en faisant ça, il se nuit. À quelque part, il se retarde parce que quelqu'un, par exemple, dans le concret, qu'une chambre qui est en désordre, à un moment donné, il cherche, il ne retrouve plus ses clés, il ne retrouve plus ses objets, il y a plein de détritus, il y a plein de déchets. Donc, autrement dit, ça devient nuisible. Quelqu'un qui s'acharne à faire quelque chose, mais qui n'est pas supporté par la vibration de l'esprit, ben, tôt ou tard, ça va l'abaisser vibratoirement ou participer à dégrader sa vibration. Tandis que quelqu'un qui agit par affiliation psychique avec l'esprit, l'action ou la parole qui est amenée va participer à le rehausser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toujours facile d'agir en fonction de l'esprit, surtout si l'ego, au début de le processus de la fusion, cherche à être validé par les gens de son environnement ou collectif. Autrement dit, s'il n'est pas capable de se porter lui-même dans sa différence, de s'assumer totalement, ben, c'est difficile pour lui, à ce moment-là, d'agir d'une manière totalement ajustée en fonction de l'esprit, parce que l'esprit diverge de beaucoup de par sa nature énergétique, de ce qui est véhiculé, de par le conditionnement socio-culturel dans lequel l'individu s'inscrit. C'est très différent. Puis plus que l'individu intègre l'esprit, plus qu'il devient différent du contexte collectif dans lequel il a grandi, il s'en dissocie psychiquement. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de Transactions Sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel david.levesque@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'une semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.